Qui l'eût cru? J'enseigne maintenant la méditation. C'était si tabou pour moi de m'approcher de la vulnérabilité. Après avoir fait la guerre à mes deuils, je suis devenue leur alliée. La santé psychologique et spirituelle. Psycho-spirez-moi. La santé à la suite d'un deuil devient à large spectre. Selon moi, on y retrouve la santé physique, psychologique, émotive et spirituelle. En parlant de santé spirituelle, j'ose une fois de plus emprunter la voie d'un grand tabou, mais je désire l'aborder car elle détient le pouvoir de nous redonner la foi. Mais cette fois-ci, c'est la foi en soi qui est proposée. Parce qu'après avoir vécu un drame et tant souffert, comment ne pourrait-on mourir d'envie de donner un sens à cette souffrance? Je désire exprimer ce que plusieurs clients m'expriment avec gêne et ce que moi-même j'ai eu de la difficulté à assumer. La spiritualité n'est pas plus à la mode. En fait, on la juge tout autant. Je le sais, je l'ai moi-même jugée dans le passé. On juge souvent ce que l'on ne connaît pas. Si j'avais su qu'en fait, indirectement, je jugeais le fait de croire en moi, je l'aurais vu autrement. Enseigner la massothérapie m'a permis d'entrer en relation étroite avec la santé holistique du corps. Pour ma part, j'ai une santé physique béton. Je n'ai qu'à l'honorer et en prendre bien soin. Quelle chance j'ai! Cependant, ma santé a été atteinte à d'autres niveaux. Je parle de santé psychologique, émotive et de santé spirituelle et du lien direct avec l'amour de soi. Quoique je n'ai jamais eu de diagnostic de dépression, de burn-out ou n'importe laquelle des pathologies reconnues et transparentes, à une certaine époque, au sommet de périodes de deuil, j'ai tout de même élégamment flirté avec l'anxiété sociale, cette difficulté à être en contact avec les gens, et les psychoses, perceptions distorsionnées, hallucinations, idées plutôt délirantes et déconnectées de la réalité. Mes conjoints et mes amis proches de l'époque en ont été témoins, mais pour la plupart des autres, personne ne pouvait s'en douter. Du haut de mes 23 ans, j'étais devenue experte sprinteuse devant l'épreuve. Devenue rigide pour braver la tempête, rationnelle pour séduire mes proches, j'ai inconsciemment étouffé mes peurs, mes émotions, mais aussi mes besoins et mes désirs. Je devenais une locumène qui paraissait au-dessus de ses affaires, qui ne pleurait pas, mais qui ne riait pas non plus. Mon corps tentait d'exprimer un message dans un dialecte que je ne comprenais pas. Je me trouvais à des années-lumière de moi-même. Persuadée que demander de l'aide me transformerait en faible mauviette, j'avais développé une atrophie de ma capacité de ressentir mes besoins. Ma médecine était de tourner mon regard vers l'autre, de développer mon acuité à percevoir les besoins de ceux-ci avant même que besoin il y ait. Cela paraît bien dans un curriculum vitae, mais en fait, c'est un réel handicap. À cette période, je me rappelle avoir été traumatisée de voir certaines personnes demander sans gêne et insister jusqu'à ce que mort s'en suive. Je ne m'habitue aucunement à cette attitude d'enfant roi. Et voulant m'éloigner de cette image, je me suis abstenue de demander de l'aide. J'ai également profondément souffert de voir ma mère toujours penser aux autres avant elle et voir certaines personnes abuser de sa bonté. Ça me dégoûtait. Mais j'ai pourtant reproduit la même chose quelques années plus tard. J'ai entrepris des lectures, des études, des thérapies. J'ai appris à exprimer mes limites un peu plus, à ressentir mes besoins un peu mieux. Mais il y avait anguille sous roche, ma peur d'être abandonnée. C'est envahissant, la peur de l'abandon. Elle nous chuchote constamment à l'oreille d'accepter l'inacceptable pour ne pas être rejetée. Inconsciemment, c'est comme si je payais en gestes afin d'avoir une famille. Je me disais, voyons Karine, les gens doivent t'aimer pour ce que tu es, non pas pour ce que tu leur apportes. Il doit y avoir une notion de partage, ce qui inclut donner et recevoir de part et d'autre. Il doit y avoir une capacité à s'excuser et à pardonner. J'avais admis l'idée que je devais être indispensable dans toutes mes actions afin de ne pas être abandonnée. Je n'avais pas compris dans un tel revers, chaque fois que je ne me respectais pas, c'est moi qui m'abandonnais. Jamais je ne me suis sentie plus seule que le jour où je me suis abandonnée moi-même. J'ai appris la leçon. On ne fait pas aux autres ce que l'on ne voudrait pas se faire faire. Ah, vous la connaissez aussi. Eh bien, voilà une prémisse que je me suis créée afin d'atteindre un meilleur équilibre. Je n'accepterai plus qu'on me fasse ce que je n'accepterai pas de faire aux autres. Ça ramène au respect de soi. Ce mantra est devenu ma référence interne directe afin de me permettre de dire non sans culpabiliser. Quoi qu'il en soit, si on ne se respecte pas, il est impossible de ressentir une santé psychologique. Je le comprends maintenant. C'est à ce moment, à travers mes 5 emplois, que j'ai entrepris un atelier de méditation. En fait, je m'étais présentée à ce cours afin de ne pas décevoir mon ami. Peu emballée de passer une heure à respirer dans une position de torsionnaire. Je n'étais pas très jojo à l'idée de perdre une minute pour mes mille et un projets. J'avais souvent surprise ma mère à méditer. Ça me semblait une perte de temps. Quelle ne fut pas ma surprise de me retrouver confortablement assise, à respirer profondément et à réaliser que ce train qui défile dans ma tête avance sans destination. Après une heure d'atelier, j'étais stupéfaite. Je ressentais du calme, moi. Je repartis de cette première rencontre lentement. J'aurais dû activer mes clignotants de secours sur mon auto pour faire la route jusqu'à la maison. Je venais de faire la rencontre de ce contre quoi je me battais depuis trop longtemps. Depuis ce jour, ma vie a changé. Mon soldat intérieur a déposé les armes. J'ai vécu un coup de foudre avec la spiritualité. C'est un cheminement. Évidemment, rien n'est parfait. Mais vous seriez surpris de voir la différence physique et psychologique que la spiritualité a équilibrée dans ma vie. Quelques mois après le début de ma pratique, mes nouveaux étudiants me décrivaient comme étant calme et douce, et cela fréquemment. Vous ne pouvez imaginer mon sourire intérieur. J'ai pris du temps à saisir que on est EST, de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui nous habite, on le dégage de tous nos pores de peau. Tout ce que l'on porte nous entoure, comme un aura. Aujourd'hui, j'enseigne la méditation. C'est ma médication. N'allez pas penser que je fais la promotion de mes services. C'est plus que ça. Je désire vous vendre l'idée que votre état intérieur est prédominant dans votre santé. Ce qui remonte quand vous êtes en silence ou entre deux tâches, c'est ce qui est prêt à émerger. C'est ce qui demande de l'attention. C'est dans cet espace que la relation avec vous se développe. J'ai donc commencé à détourner le regard des autres pour le porter à l'intérieur de moi. Je me disais, tu as pratiqué le don de soi aux autres depuis si longtemps. Tu devrais bien t'en sortir à te donner à toi-même. Après tout, ce n'est que la direction qui change. Il est faux de croire que c'est souffrant de s'occuper de soi et de ses peines. Le seul moyen de boucler, c'est d'accueillir. Pour moi, la méditation fut une réelle porte d'entrée pour comprendre que je devais apprendre à donner et à recevoir en équilibre, que je devais entrer en relation avec moi afin d'être en cohérence et authentique avec les autres. La spiritualité a transformé mes attentes en ententes, mes échecs en leçons de vie, mes peines en écoute de moi, mon côté sauveur en confiance en la capacité de l'autre, mes exigences en confiance en la vie. La spiritualité a permis à la jeune fille endeuillée de devenir en équilibre afin de mieux aider les autres à retrouver leur propre pouvoir sur leur vie, à transcender l'idée que guérir, c'est souffrir. Elle m'a guidée à mieux aimer les autres, mais toujours m'aimer plus. Sans narcissisme, simplement en m'acceptant tel que je suis. La spiritualité est devenue mon île, ou accostée. La spiritualité a permis à la jeune fille endeuillée d'atteindre un équilibre afin de mieux aider les autres à retrouver leur propre pouvoir sur leur vie, à transcender l'idée que guérir, c'est souffrir. Elle m'a guidée à mieux aimer les autres, mais à toujours m'aimer plus. Sans narcissisme, simplement en m'acceptant tel que je suis. La spiritualité est devenue mon île, ou accostée. Ouais, yeah, oh.